à attendre que la mort les surprenne. Dans leur cave entassée, ils dansent encore le discours de la mort. Encore vivant dans le royaume des morts.